Mon sang n'a pas la couleur de la terre qui me nourrit. D'appartenir à celle de mes ancêtres, mon cœur a choisi. Même si mon corps est enfermé dans le confort occidental et que mes yeux baignent leur rétine dans des visions de tuerie, je suis un jeune Français d'origine algérienne. Ce qui ne fait pas de moi un Français et encore moins un Algérien. Et si je me sentais comme chez moi dans ce pays, cette chanson, jamais je l'aurais écrite. Si je me sentais comme chez moi dans ce pays, cette chanson, jamais je l'aurais écrite. Si j'avais pas arrêté de pleurer sur mon sort, j'aurais continué à décrire mon quartier, ces personnages ainsi que leur mort. Non, ce n'est pas en restant à la surface de l'enfer qu'on y réveillera l'ange qui dort. Dire que la France ne nous aime pas, hein, tu le sais déjà, de la haine l'a fait pour moi, fait l'effort de m'écouter. Nos parents ont travaillé pour de l'or qui s'est transformé en plomb et enfonce nos corps dans les profondeurs de fleuves gelés par l'ennui. La France fait l'amour avec les idées américaines, les enfants, mais de cette union malsaine ont les couleurs de la misère, le masque du bouc émissaire. L'ignorance fait parler les sourds, assure que l'argent portera nos noms au sommet des tours, fait croire que pour les cramer, un seul refrain, un seul crime paie. Je reconnais que t'as des couilles, gringo. Ça fait des emplois dans les prisons et dans le bâtiment, puisqu'on agrandit les morgues. Un nouveau château pour Angèle Meyer. L'économie aime la débauche, ça lui amène l'embauche. Et la France dans tout ça, heureuse comme tout, ouvre de nouveaux poulaillers pour y couver la misère. C'est France. وعلاش وعلاش وهيارا فرنس وعش فيك من بكري ودتيني اطروجي وعلاش وعلاش وهيارا فرنس وعيش فيك من بكري ودتيني اطروجي. Jugement final maghrébin, pas de preuve, pas de non-lieu. On se rabat sur la couleur de ses yeux, de sa faute, son drapeau d'origine. Quelque part il est fautif, c'est sûr. Ouais, on en tient, on lâche pas, il prendra pour les autres. Putain j'ai honte, et dire que nous sommes les autres, et dire que nous sommes le rêve de ces petits frères restés au bled. La justice manque de courage, rejette la faute. L'étranger sa cible, ça fait diversion. Comme ça soi-disant, il rassure, il calme la population. Oh douce France, moi originaire de ce pays, crie ta sentence, tes actions me donnent envie de te renier. À travers ta toile tissée, je peux me hisser. J'ai laissé la facilité de côté, préfère des amorces et la mine judiciaire. Pourquoi quand moi j'y marche dessus, jamais elle me repère? Parce que je suis blanc. Pourquoi jamais sur moi des contrôles en opère? Parce que je suis blanc. Pourquoi les videurs de boîtes avec mes cheveux lisses ne me font pas la guerre? Parce que je suis blanc. Des lois factices appliquées à la tête du client. Ma couleur, même la nuit brillant. Ils pensent sûrement en me voyant que je peux pas être un truand. Ça a des avantages comme des inconvénients. Le problème de cette douce France, c'est qu'elle juge trop sur les apparences. Plus de réunions de convivialité. Chacun chez soi, chacun sa télé. Chacun sa culture, son toit, son mur chez les miens. L'hospitalité, la volonté s'éteint. Ouais, s'éteint. J'ai les miens, la volonté s'éteint. La France fait l'amour avec les idées américaines. Les enfants nés de cette union malsaine ont les couleurs de la misère et le masque du bouc émissaire. Bouc émissaire. Wallesh, wallesh, wahia la France. Wach fik men bekri, oudatine étrangi. Wallesh, wallesh, wahia. Quelques vers, je les mets dans une bouteille, elle les jette à la mer. Je les ai écrits pour toi, homme de la France profonde qui a un regard amer envers les Arabes. Lève-toi de ta chaise, jette tes charentaises, sors de chez toi, enlève ton bandeau noir, je suis comme toi. Regarde enfin, je suis même pour une fois, baisse ta garde. Laisse-moi te parler, laisse-moi t'écouter. Ne tourne pas la tête quand tu me vois dans la rue. J'ai vu tes ailes blanches au milieu des démons. Dans les flammes patriotiques, la politique, j'en parle même pas. Comme moi, tu cherches ton lendemain. Et si moi le maghrébin et toi le français, on partagerait notre pain, notre savoir. À deux, on comprendrait des choses que jamais on aurait pu voir. Jamais on aurait pu voir. Viens chez moi, on va discuter. Je t'invite à boire un thé. Le sens de l'hospitalité, on le connaît. Tu verras, mes petits frères ne sont pas que des gangsters. Mon père n'a pas de fusil sous son lit pour buter le premier venu chez lui. Admire ses mains salies pour avoir construit des bâtiments pour ce pays. Frère de couleurs différentes, dans ma mère, tu reconnaîtras la tienne. Attentive, souriante, si mes parents tu les comprends pas, je traduirai. Le français ils l'ont appris sur le tas. Des efforts ils en ont fait sur une terre dont on a dit qu'elle ne leur appartenait pas. Et après tout ça, si tu ne m'aimes pas, comprends un truc, c'est pas toi ou le racisme que je combats. Mais l'ignorance, douce France, doux pays de l'ignorance. Ta douce France, ta douce France. Pur pays de mon enfance. Mon père m'a toujours dit que je devais ma reconnaissance à la France. Wallesh, wallesh, wahia la France. وعشتيك من بكري ودتيني اطرق